Les Odyssées de France Inter avec Pronote. Toute la vie scolaire en une seule appli. Pour les profs, les élèves et aussi leurs familles. Vingt-quatre soleils se sont levés puis couchés depuis le début de l'Iliade. 24 fois la lune a scintillé dans le ciel noir. Devant les portes de la cité de Troie, l'herbe est jaune, ça sent bon la terre sèche et aussi... Oh, l'olivier! Soudain, un nuage de poussière apparaît à l'horizon. Ce sont les Grecs qui, enfin, sont en train d'arriver. Sur le champ de bataille, ça y est, les deux armées sont face à face. Face à face. La tension est palpable. Les soldats grognent. Dans quelques minutes, que dis-je, quelques secondes, les casques, les épées, les lances vont s'entrechoquer. Attention, mes bichons, le fer va crier. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Tu entends? Oh, pétard! C'est le grec Ménélas qui fonce à bord de son char. Il vient d'apercevoir Paris dans le camp adverse et il veut lui crever la peau. Va-t-il le réduire en bouillie, le Troyen qui lui a piqué sa femme? Paniqué, Paris bondit, il recule. Incroyable, mais il se planque, le lâche! Son frère, le grand, l'immense guerrier Hector, a tout vu? Il est mort de honte! Ah, ça pour jouer les jolis cœurs, tu sais y faire, hein? Mais dès qu'il s'agit de défendre sa patrie, y a plus personne! Tu passes ton temps à faire le beau! Mais franchement, à quoi nous servent tes cheveux soyeux et ta peau douce? Ce à quoi Paris, très calmement, lui répond. Mon frère, tu as entièrement raison. Mais s'il te plaît, n'insulte pas ma beauté, car c'est un cadeau des dieux. Tu veux que je me batte? Soit. J'affronterai seul Ménélas. À l'issue du combat, l'un de nous deux sera mort. Quant au vainqueur, il rentrera chez lui en emportant la belle Hélène et tous ses trésors. En attendant, fais asseoir les soldats et scelle un pacte d'amitié avec nos ennemis. Un combat seul à seul? Un pacte d'amitié? Oh, mais ça veut dire une trêve! Youpoy! Les Troyens et les Grecs sautent de joie, ils jettent leurs épées en l'air! Ouch! Oui, attention les gars tout de même! Une femme, cependant, n'a pas le cœur à la fête. Sur les remparts, Hélène a les yeux rivés sur Ménélas. Elle est dévorée par le chagrin. Priam, le roi de Troie, l'a tout de suite compris. Hélène, viens t'asseoir auprès de moi. Lui dit-il de sa voix douce et pleine de sagesse. Écoute-moi, tu n'es coupable de rien. Seuls les dieux sont responsables. Ce sont eux qui ont déclenché la guerre, pas toi. Sur le champ de bataille, on prépare le combat. Ulysse et Hector mesurent le terrain, puis on tire au sort pour savoir qui lancera le javelot en premier. Ménélas a gagné, c'est donc lui qui va commencer. Dans les yeux des deux guerriers, on ne lit que la haine. Soudain, Ménélas pousse un cri qu'on croirait sorti des entrailles de la terre. Il lance son javelot de toutes ses forces. Oh purée! Il vise sacrément bien! Il va tuer Paris, c'est sûr! C'est alors qu'une brume étrange envahit le monde. Que se passe-t-il? On ne voit absolument plus rien! Lorsque le brouillard se dissipe, quelques secondes plus tard, surprise, surprise! Paris a disparu! C'est Aphrodite, la déesse! Elle l'a sauvé! Ménélas est fou de rage. Ouh là là là là là là! La situation est en train de sacrément tourner vinaigre. Les combats reprennent. Terribles assassins. Avec fureur, les deux armées s'élancent l'une contre l'autre. Certains tuent, d'autres sont tués. Les dieux, évidemment, font quelques apparitions. Tour à tour, ils excitent ou défendent les guerriers. Côté troyen, oui, ça ne va pas très fort. Il faut à tout prix prier Athéna dans son temple. Pense tout à coup Hector, dans son casque étincelant. Qui sait? Elle arrêtera peut-être de protéger les Grecs. Comme un éclair, il file en direction de Troie. Et tandis qu'à sa demande, les femmes apportent de l'encens dans le temple de la déesse, Hector retrouve son épouse, la belle Andromaque, au bras blanc. Son petit enfant, bien serré contre sa poitrine, elle se jette aux pieds de son époux. Hector, ne retourne pas sur le champ de bataille, je t'en prie. Veux-tu que je sois veuve ? Veux-tu faire de ton fils un orphelin ? Si tu meurs, je meurs, car tu es tout pour moi. À ces mots, le guerrier sent son cœur se fendre, comme une poterie qui n'aurait pas bien fini de cuire. Hélas, s'il y a une chose qu'il place au-dessus de tout, c'est le devoir. Un jour viendra où Troie sera vaincue. Je le sais. Dois-je pour autant cesser de la défendre ? Si je reste, je serai couvert de honte. Mon amour, tu le sais, nul homme n'échappe à son destin. Alors la jeune femme le regarde partir. Elle rit à travers ses larmes et pleure comme s'il était déjà mort. Ainsi Hector est de retour sur le champ de bataille. Comme une furie échappée des enfers, il s'approche des soldats ennemis et leur crie : Qui ? Qui osera se mesurer à l'incroyable force d'Hector ? Pendant plusieurs jours, en duel, en combat collectif, il se bat comme un tigre, aux Grecs désormais de trembler. Il tremble, mes aïeux, il tremble comme des citrouilles ! À la tombée de la nuit, près d'un feu sans chamallow, Agamemnon rassemble tous les guerriers de son camp. Le roi a une mauvaise mine, il sanglote. Mes amis, Zeus m'a roulé dans la farine. Jamais nous ne vaincrons les Troyens. Prenons nos jambes à nos coups, vite, fuyons. Fuir ? Les Grecs sont atterrés. Franchement, mais pour qui les prend-il ? Pour des mous ? Oh, pour des mous tellement mous qu'ils sont moumous ! N'empêche, ils sont bien dans la panade. Qui pourrait arrêter la fureur d'Hector ? Il leur faudrait un guerrier extraordinaire, un demi-dieu. Et oui, tu as deviné, n'est-ce pas ? Il leur faudrait Achille. Vite, pas une seconde à perdre. On envoie Ulysse chercher le valeureux guerrier. Pardon, je dérange peut-être. Demande l'homme aux mille ruses en arrivant dans la tente du demi-dieu car celui-ci, visiblement, est en train de festoyer. Mais non, entre, pas du tout, tu plaisantes. Tu sais bien que je t'adore. Lui répond alors le guerrier. Prends une assiette, on a fait griller un sanglier. Achille Parmentier. Reprend alors Ulysse, ravi d'avoir réussi à placer sa petite blague. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Les Troyens sont en train de nous réduire en pièces. Si tu acceptes de reprendre les armes, Agamemnon te couvrira de cadeaux somptueux, sois-en certain. Mais la vache, mais t'es bouché au charcutier ! S'énerve tout à coup Achille. Eres coracas ! Tu comprends le grec ancien ? J'ai dit que jamais plus je ne me battrai pour Agamemnon. Jamais ! Ça veut dire jamais ! Et puis zut ! Voilà, j'ai changé ! Arrêter le combat pendant quelques temps m'a ouvert les yeux. J'ai compris une chose. Rien ne vaut la vie. Pas même les trésors que me promet ton roi. Allez maintenant, oust, du balai ! J'ai un paquet de fromage à terminer et j'ai horreur de gâcher. Ulysse retrouve ses camarades, la mine déconfite. C'est la catastrophe. Il n'y a pas d'autre mot. Hector, drôlement aidé par Zeus, il faut bien le dire, continue de leur mettre la pâtée. C'est un cauchemar. Soupire Patrocle, un autre valeureux guerrier grec qui se trouve être le plus proche ami d'Achille. Je ne peux pas rester les bras croisés. À son tour, il va trouver le demi-dieu. Achille, ne laisse pas tes camarades mourir ainsi comme des chiens. Prête-moi tes armes fabuleuses, les Troyens croiront que c'est toi. Ils seront terrorisés. En guise de réponse, Achille se met à cligner des yeux. Qu'a-t-il donc ? Est-ce une mouche qui soudain le titille ? Mais non, il vient d'apercevoir d'immenses flammes danser dans le lointain. Les Troyens sont en train de mettre le feu au navire grec. Le guerrier est en panique. Sans ses bateaux, il ne pourra jamais rentrer chez lui. Cours, Patrick, cours ! Patrocle ! Lui dit-il. Vite ! Empêche nos ennemis de neutraliser nos bateaux ! Après avoir revêtu les armes éblouissantes de son ami, Patrocle retourne sur le champ de bataille. Aussitôt qu'il le voit, Hector fonce sur lui. Les deux hommes luttent comme des lions affamés. Autour d'eux, Grecs et Troyens s'élancent les uns contre les autres. Le combat dure toute la journée. Patrocle tue 3, 6, 9 Troyens. Lorsqu'il tente d'ôter la vie du dixième, le dieu Apollon lui donne un grand coup dans le dos. Le guerrier chavire. Son casque, son bouclier, sa lance, toutes ses armes, par la magie du dieu, les unes après les autres, se détachent de son corps. Blessé, désarmé, Patrocle tente de retrouver son camp. Hélas, il n'échappe pas à Hector, qui l'achève d'un puissant coup de javelot. Lorsqu'il apprend l'horrible nouvelle, Achille plonge ses mains dans la cendre du feu, son cœur déborde de haine. L'homme qui a pris la vie de son plus cher ami, il va le zizi, le gougou, le yéyé, le zigouiller. Puisque ses armes merveilleuses sont désormais entre les mains des Troyens, le dieu Héphaïstos lui en forge de nouvelles encore plus belles. Et c'est ainsi qu'Achille, enfin, retourne au combat. Le visage ravagé par les larmes, il avance, en poussant à chaque pas un puissant hurlement qui terrorise les Troyens. Sur le mont Olympe, tous les dieux sont prêts. Chacun compte intervenir pour défendre son camp préféré. Lorsqu'Achille enfin arrive devant Troie, Hector tremble de peur. Le combat commence. Achille lance son javelot, le Troyen l'évite. Une fois. La seconde, l'arme se plante au milieu de son bouclier. Hector est désarmé. C'est donc le moment que les dieux ont choisi pour ma mort. Eh bien, soit. Mais je ne mourrai pas sans courage. Il sort alors son glaive et se met à courir comme un aigle. Achille bondit, il tend sa lance qui étincelle au soleil, puis il la plante là, dans ce petit endroit entre l'épaule et la gorge, par lequel s'en va si facilement la vie. Hector s'écroule par terre. Achille a gagné. Oh, il triomphe! Cependant, la mort de Patrocle n'est pas encore vengée. Le guerrier attache le cadavre derrière son char, puis il le traîne dans la poussière. Priam, à qui l'on s'empresse de raconter la scène, est dévoré par la douleur. Son fils, son Hector chéri, le plus grand guerrier troyen, est mort. Et son corps, déshonoré. Ce qu'il s'apprête à faire demande un sacré courage. Priam va parler à l'assassin de son fils. Achille, lui dit-il en déposant des baisers sur ses mains. Pense à la joie qu'a ton père de te savoir vivant. Et maintenant, pense à moi. Aie pitié. Rends-moi le cadavre de mon enfant. Et tandis que le père pleure, Achille, lui aussi, se met à pleurer. L'un pense à son fils, l'autre à son ami. Ainsi sont réunis deux grands héros qui n'ont été, hélas, que les jouets des dieux. Achille rend le cadavre. Priam peut enterrer Hector. Pendant les funérailles, les combats cessent. Mais la guerre, hélas, n'est pas encore terminée. En revanche, c'est ici que se finit l'Iliade. Oui, je suis d'accord, on reste un peu sur sa fin. La guerre finira-t-elle un jour ? Ceci n'est crainte, tu l'apprendras dans une autre Odyssée, et peut-être même, oui, qui sait, dans l'Odyssée de l'Odyssée. Thank you.